Jeudi 8 mars, bonjour à tous et à tous. Bonne fête plutôt à toutes les femmes. Voici l'essentiel de l'actualité. Ce 8 mars, le monde célèbre la journée dédiée à la femme. Au niveau national, les cérémonies se déroulent au chef-lieu de la province Kayanza. C'est également une occasion pour le secrétaire général des Nations Unies de sortir un communiqué où il dit qu'il est temps de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains. La Cour de la communauté est-africaine a rejeté la demande du Burundi de suspendre les activités du Parlement est-africain jusqu'à vider la question de la présidence de l'EALA. En cette journée mondiale du rein, le spécialiste du rein, le docteur Sylvain Pierre Nzeimana, précise que la maladie rénale chronique est la 8e cause du décès chez les femmes. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. À la présentation, Mireille Kanyang, bienvenue. Oh bonjour, je vous l'annonce en titre. Ce 8 mars, le monde célèbre la journée mondiale dédiée à la femme. Au niveau national, les cérémonies se déroulent en province Kayanza. Dans quelques instants, nous aurons les détails avec notre confrère Évariste Nziko Banyanga. Mais c'est également une occasion pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de souligner que l'heure est venue pour transformer la dynamique féminine en action et de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains. Et pour cette occasion, l'organisation AFEPV qui s'est donné pour mission la protection des vulnérables demande la mise en application effective de la loi sur les violences faites aux femmes en vue de punir les coupables de ces violences. Jean-Claude Savoumouremi appelle également les femmes burundaises à adhérer dans des associations pour mieux se développer. Il a dit exactement ce jeudi au moment où son association octroie une aide d'orie et de haricots à 24 ménages jugés plus pauvres des quartiers du nord de la capitale Bujumbura. Suivez-le. À l'occasion de cette journée internationale dédiée à la femme, l'Association pour la formation des enfants et la protection des vulnérables a organisé une activité à l'endroit des femmes dites vulnérables que cette association encadre dans la zone nord de la capitale de Bujumbura. L'association a organisé cette activité pour montrer à ces familles vulnérables son soutien, pas dans les discours seulement, mais aussi à travers des actions concrètes. Nous avons organisé donc cette activité de distribution de vivres comme le riz et le haricot pour s'associer à ces familles vulnérables afin que ces familles, elles aussi, célèbrent cette journée en climat d'aisance. Cette journée est célébrée au moment où le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes font la une des médias. On observe encore des pratiques ignobles, notamment les violences sexuelles, les violences économiques, les violences physiques, les violences psychologiques, les tueries atteignent un degré inquiétant dans certains coins du pays. Cette journée internationale est célébrée au moment où on observe les pratiques de polygamie qui occasionnent des femmes illégales et des enfants en deviennent victimes malgré les efforts du gouvernement de régulariser tous les couples. L'Association pour la formation des enfants et la protection des vulnérables lance son appel vibrant à toutes les femmes de se réunir en association, de travailler en coopérative, car c'est l'un des moyens de leur autonomisation. Se réunissant dans des associations, ils vont s'autonomiser, ils vont aussi développer leur famille, leur ménage, et enfin vont développer leur pays en général. Journée mondiale de la femme. La femme constitue un groupe vulnérable face aux produits chimiques. Le point de vue est du directeur de l'environnement et changement climatique au ministère de l'Environnement qui précise que ces produits sont surtout dans les lotions de beauté. Alphonse Polissi ajoute que la réglementation burundaise manquait cet outil dans la gestion des produits chimiques. Il a dit ce mercredi lors de l'atelier de sensibilisation des femmes sur deux projets, l'un sur le code de gestion des produits chimiques et l'autre sur le projet de loi des inspecteurs environnementaux. Une fois ces projets de loi adoptés, ils pourront faciliter le contrôle des produits chimiques qui entrent dans le pays. Suivez Alphonse Polissi, directeur de l'environnement et changement climatique. Le groupe des femmes constitue un groupe vulnérable face aux produits chimiques. Alors nous tenons à organiser cet atelier d'abord pour un soutien, pour sensibiliser et pour que la femme, dans la célébration de la journée de la femme, puisse se souvenir et soit sensibilisée sur les dangers d'une mauvaise gestion des produits chimiques en général. Nous voulons interpeller le groupe, les femmes, pour qu'elles puissent continuer à sensibiliser, et que ce soit les femmes ou les hommes, sur le bien-être de la population. Ici, nous soulignons que la réglementation burundaise manquait cet outil primordial de la gestion des produits chimiques. Il n'y avait pas de code de gestion des produits chimiques, d'où il était difficile, même impossible, d'appliquer certaines lois, certaines mesures, certains articles du code de l'environnement, parce qu'il manquait l'outil de gestion des produits chimiques. Ici, en l'occurrence, il était difficile de geler les déchets des produits chimiques. Les déchets sont malheureusement une triste réalité au Burundi. Chaque fois, nous revenons sur les impacts négatifs liés à la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets. La force, c'est que d'abord la population est sensibilisée sur les dangers liés à la mauvaise gestion des produits chimiques. Alphonse Polici, directeur de l'environnement et changement climatique, dont les propos ont été recueillis par Christella Nizigama. Parlons santé, mais en relation avec la femme, la maladie rénale chronique est la 8e cause de décès chez la femme. L'affirmation est du docteur spécialiste des reins en cette journée mondiale du rein. Le docteur Sylvain Pierre Nzeimana l'a souligné ce jeudi lors d'un dépistage gratuit et volontaire des maladies chroniques organisé par l'Association burundaise des étudiants en médecine. Ce dépistage donne accès abordable pour la prévention des maladies rénales pour toutes les femmes et filles. Suivez le docteur Sylvain Pierre Nzeimana. L'occasion d'aujourd'hui est une occasion qu'on a donnée à la femme de réfléchir à l'importance de sa santé et en particulier de la santé rénale. Et alors aujourd'hui, on encourage un accès abordable et équitable à l'éducation sanitaire, aux soins de santé et à la prévention des maladies rénales pour toutes les femmes et filles du monde. La maladie rénale chronique touche environ 195 millions de femmes dans le monde. Elle est actuellement la 8e cause de décès chez la femme avec près de 600 000 décès chaque année. Donc le risque de développer une insuffisance rénale chronique est élevé chez la femme, pas plus que chez l'homme, mais elle est, disons chez la femme, il y a une prévalence moyenne de 14%, alors que chez l'homme, elle est de 12%. Donc ici, ce qui est important, c'est de savoir que les femmes, c'est vrai, ici au Burundi, nous n'avons pas de chiffres précis. Donc les enquêtes qui sont faites sont des enquêtes qui sont faites d'une manière partielle, mais les chiffres en soi ne sont pas disponibles, mais nous savons que sur le plan mondial, les femmes sont beaucoup touchées par la maladie rénale chronique. Ici, nous encourageons les femmes à être sensibilisées sur la maladie rénale chronique et à se faire dépister parce qu'elles sont à risque de développer une maladie rénale chronique ou bien une maladie rénale tout court, surtout les femmes enceintes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, parlons intégration du Burundi. La demande du gouvernement burundais de suspendre les activités de l'Assemblée des États membres de la communauté est-africaine EELA a été rejetée par la Cour de l'EAC. Le Burundi n'a pas reconnu l'élection du nouveau président de l'EELA, estimant que son élection a violé le statut de l'EAC. La Cour de cette communauté est-africaine a jugé que les activités de l'EELA ne peuvent être suspendues alors que le président de l'EELA a dûment prêté serment. Les détails avec Aubin Nyonguru. Le gouvernement du Burundi a plaidé pour la suspension des activités de l'EELA pour la non-reconnaissance du président de cette assemblée. Cette demande a été rejetée par la Cour de l'EELA au cours de l'audience publique de ce mardi. La sentence de la Cour de l'EAC souligne que, bien que la non-reconnaissance de l'actuel président Martin Goga devrait entraîner la suspension des activités de cette assemblée, le titulaire du poste a déjà commencé ses fonctions après la prestation de serment en bonne et due forme. En contestant l'élection de Martin Goga, le Burundi avait fait valoir que le processus ne suivait pas l'article 12 du règlement de cette assemblée régionale. Cette règle exige un quorum d'un tiers des membres élus de chaque État partenaire, mais le Burundi et la Tanzanie n'avaient pas participé aux élections. Les législateurs des quatre autres pays États membres, dont l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et le Sud-Soudan, ont pris part. Le Burundi a donc demandé à la Cour de déclarer que l'élection violait la règle 12 du règlement intérieur de l'EELA et souhaitait que l'élection se déroule de nouveau conformément aux règles et procédures établies. Mais la Cour a déclaré que la demande a été dépassée par les événements, bien que le véritable différend soit discuté dans la référence du fond. L'actuel président rwandais de l'EALA a été élu le 19 décembre 2017. Martin Goga a recueilli 33 voix lors du second tour de ce scrutin contre Léontine Nzeyimana du Burundi qui a amassé 3 voix et Adam Kimbisa de la Tanzanie qui n'a pas reçu de vote. Conformément à l'article 53 du traité de l'EAC, le président de l'Assemblée EALA est élu par rotation parmi les membres élus de l'Assemblée pour une période de 5 ans. Aubin Niyonkuru, page agriculture de ce journal L'engrais chimique pour cette saison culturelle est disponible dans différentes provinces du pays. L'affirmation du ministre burundais de l'agriculture et de l'élevage, Deogui de Rurema, a précisé ce mercredi que cet engrais servira pour cette saison culturelle et durant la saison sèche. Il a ajouté en outre qu'il y a eu problème d'approvisionnement en engrais du côté de la Tanzanie. C'était ce mercredi lors de la présentation du projet de loi sur les pesticides, projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Je vous prie de le suivre. Il est traduit en français par Placide Niyomungere. Au ministère, on ne prévoyait jamais d'engrais pour la saison sèche. Aujourd'hui, l'engrais distribué servira pour cette saison et pour la saison sèche. Le problème que nous avons eu, c'est que du côté de la Tanzanie, l'on avait pris une décision de ne pas laisser l'engrais sortir. Et vous savez que nous n'avons pas accès à l'océan. On s'approvisionnait normalement à partir du Kenya et de la Tanzanie. Mais ça nous a pris du temps pour expliquer aux autorités tanzaniennes de laisser passer l'engrais chimique. Et c'est ça qui a fait que les premiers jours, les cultivateurs ont eu des craintes. Mais maintenant, l'engrais est déjà disponible dans différentes provinces. Peut-être, les cultivateurs pensent que l'engrais sera utilisé pour la seule saison. Une partie sera utilisée aussi pour la saison sèche. Nous avons des estimations sur l'engrais nécessaire qu'il faut ajouter. Nous nous sommes déjà entendus. Nous sommes en train de demander qu'il y ait des avenants pour les importateurs d'engrais chimiques afin que durant la saison sèche, il puisse y avoir disponibilité d'engrais. J'aimerais que les cultivateurs comprennent qu'aujourd'hui, nous prévoyons l'engrais chimique pour cette saison et la saison sèche. Vous nous ferez un clin d'œil s'il y a un dysfonctionnement. Et d'ailleurs, nous sommes en train de produire un rapport relatif. Deogui de Rurema, c'est le ministre burundais de l'agriculture et de l'élevage. Dernier élément de ce journal. Ce jeudi 8 mars, le monde célèbre la journée dédiée à la femme au niveau national. Les cérémonies se déroulent au chef-lieu de la province Kayanza au stade d'Ogatwaro où la radio Isanganiro a envoyé Evariste Nzikobanyanga. Différentes interventions apprécient le pas déjà franchi par et pour les femmes, mais aussi il y a des défis. Evariste Nzikobanyanga vient d'être joint au téléphone par Léonce Vitaliou. On a constaté que les femmes peuvent elles aussi faire ce que les hommes puissent faire. Et je signalerai ici que dans nos défilés de femmes, on a constaté un long défilé de militaires et policières femmes. Une chose que les gens de Kayanza, les gens qui sont venus de tous les coins du pays ont apprécié. Je te dirais, Léon, maintenant, c'est le temps des allocutions. Je dirais que le premier qui a prononcé son discours, c'est le gouverneur de la province de Kayanza, Nissé Daïzé plutôt. Il a indiqué que la situation de la femme dans sa province se porte à merveille, mais il a signalé quelques défis. Il a indiqué que les femmes de Kayanza font face toujours à des violences faites aux femmes, des violences sexuelles, des violences différentes, violences faites aux femmes. Il a indiqué que les femmes ont des problèmes fonciers, ils ont des problèmes dans leur famille basés sur la discrimination. Une autre personnalité qui a prononcé son discours, c'est la présidente du Forum de femmes, Madame Janvière Dilarisha, elle a insisté sur le strict respect des 30% alloués aux femmes dans toutes les institutions, où elle a demandé que ce 30% puisse être respecté de la base au sommet. Puis elle a indiqué qu'au niveau du Parlement, l'on fait toujours usage à des cooptations, et elle a demandé que cette cooptation soit annulée, que les femmes puissent être votées à 30%, même jusqu'au Parlement burundais. Et le troisième qui a pris le discours, c'est le docteur Walter Kazadi Mulombo, qui a prononcé le discours au nom du représentant résident du système des Nations Unies au Burundi. Lui, il est revenu sur la représentation des femmes au niveau national. Il a indiqué que la femme burundaise totalise 51%. Donc, il a demandé, il a supplié que la femme soit soutenue, doit être considérée comme un homme, surtout dans le développement du pays. Évariste, tant que tu as la parole, il y a aussi des défis pour les femmes. Oui, il y a encore des défis à relever. Donc, c'est face à la femme burundaise. Ici, c'est lui qui a prononcé le discours du représentant résident des systèmes des Nations Unies. Il a dit que la femme burundaise, aujourd'hui, fait toujours face à la discrimination, elle fait toujours face à la pauvreté, elle fait toujours face au changement climatique, elle fait aussi aux violences basées sur le genre qui continuent à s'observer. D'où il a demandé qu'il faut investir dans la femme. Il a dit qu'investir dans la femme, c'est investir dans le pays. Merci à Evariste Nzikobanyanga pour tous ces détails. À 13h13 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève ce journal. Mais vous retiendrez que ce 8 mars, le monde célèbre la journée dédiée à la femme. Vous venez de l'entendre, les cérémonies se déroulent au chef-lieu de la province Kayanza, au stade de Gatwaro. Et la Cour de la communauté est-africaine a rejeté la demande du Burundi de suspendre les activités de l'EALA jusqu'à vider la question de la présidence de l'EALA. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et en cette journée mondiale du rein, le spécialiste du rein, le docteur Sylvain Pierre Nzeimana, précise que la maladie rénale chronique est la 8e cause de décès chez les femmes. Une occasion d'organiser un dépistage gratuit et volontaire des maladies chroniques organisées par l'Association burundaise des étudiants en médecine ABM. Voilà, merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je vous dis merci à la présentation. Vous étiez avec Mireille Kanyange. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.